Ouais, les amigos. Ouais, super. Et bien, alors, toi. Je vous préviens direct. Déjà, sans masque, on comprend à peine ce que je dis. Cette chronique, elle est produite par Tom Cruise. C'est Mission Impossible. Et vous me connaissez, l'élocution, c'est pas exactement ma petite botte secrète, quoi. En général, ce matin, je vais vous parler des réseaux sociaux. Mais 9 chances sur 10 après l'émission, vous allez me faire arrêter pas mal ta chronique sur la réouverture de la pêche. Vraiment, jamais vous allez comprendre ce que je dis. Déjà, je suis dès que j'ai un match. Moi, j'ai un bonnet. Franchement, deux fois j'ai été élu plus beau nez de Radio France, catégorie Aquilin, long, milon. Là, qui va pouvoir profiter de mon nez oui, bref, je suis sur Instagram. Instagram a fêté ses 10 ans, les amis, cette semaine. C'est mon réseau social préféré. Facebook, il n'y a plus que des vieux. Un statut sur deux, c'est une nécrologie. Sérieux, Twitter, c'est pire. T'as l'impression que tout le monde a mal dormi, s'est réveillé sans eau chaude, dans les embouteillages, avec des hémorroïdes. Tu vois, il y a moins de vieux sur Twitter parce que tout le monde s'est suicidé avant, quoi, tu vois. Insta, au moins, il y a une bienveillance en général. Je dis en général parce que l'autre jour, j'ai posté un dessin que quelqu'un a fait de moi. On m'a envoyé, frère, tu ressembles à Lionel Messi. Franchement, ça m'a fait un chagrin. Je veux dire, Messi, t'as envie d'avoir le même coup de rein, mais c'est à la même tête. C'est à la frontière de la mauvaise nouvelle, quoi. Tu vois, mais bon, à part ça, j'aime bien Insta. Je me considère pas vraiment comme addict. J'y vais quoi 900 fois par jour, plus ou moins. On sait jamais qu'Adèle Exarchopoulos soit abonnée à mon compte. Ça va peut-être d'une minute à l'autre, peut-être qu'elle. Jusqu'à présent, non. Franchement, je note qu'elle préfère rester discrète. Très bien, c'est tout à ton honneur, Adèle, super. Si tu préfères stalker mon compte sans t'abonner, in the shadow, c'est ton droit. Coucou. Mitou. Ouais, toujours pas. Ouais, c'est marrant. Moi, j'avoue, je suis addict, c'est hormonal. Les likes, ça me procure un peu d'amour, l'amour que j'ai jamais reçu dans cette émission. Oh. Regardez Nagui, va jusqu'à faire semblant d'être un cas contact juste pour pas me croiser le matin. Franchement, c'est pas simple ça. D'ailleurs, comme tout le monde, j'ai vu le documentaire de Social Network sur Netflix. Et je trouve que c'est formidable que ce soit Netflix qui dénonce l'addiction aux écrans. Chacun sait que Netflix se bat au quotidien contre l'addiction aux écrans, c'est un sacerdoce. Mm-hmm. D'ailleurs, ça fait 2 semaines de suite que je parle d'un docu Netflix. Donc le CSA a demandé que je rééquilibre en citant les autres plateformes, donc MyCanal, Prime Video, la cinémathèque de Rouen, l'espace Philippe Noiret de L'Éclé-sous-Bois, la collection de DVD de Leila avec l'intégrale de Fabio Antoniente. Oui. Netflix. En fait, Netflix, comme YouTube ou Facebook ou Instagram, en fait, ils luttent pour capter ton attention et ils te prennent du temps de vie, quoi. Limite, moi, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas comme si Insta, ça reniait son montant de bénévolat, tu vois. Il n'y a jamais un sans-abri qui s'est dit, ah bah si Ernesto, il a qu'à moins de cul, il pourrait faire plus de maraude. Jamais, tu vois. Moi, j'ai une vie de bâton de chaise, anyway. De toute façon, chez les jeunes, c'est plus pernicieux. Et le truc, c'est que non seulement ils siphonnent ton temps, en plus, collecte tes data H24 pour nourrir des algorithmes chargés d'anticiper tes comportements. En vrai, on est dans Matrix, quoi, mais sans les mentons en cuir, on a juste des gilets en popeline, tu vois, vraiment. Et on se penche en arrière pour éviter les balles, on tombe comme des merdes et on se casse le coccyx, vraiment. On n'est pas. Du coup, j'ai pensé à une solution. Je sais que je suis prévisible sur Instagram, mais ça va changer. Je vais devenir imprévisible. Hier, je me suis abonné au compte de Jean-Luc Reichmann. Ça, personne n'avait vu venir. Je regarde jamais les 12 coups de midi. J'ai liké la page de Chavroux. Alors, j'aime pas le fromage de chèvre. C'est pas ma texture, le fromage de chèvre. Moi, j'ai juste envie que l'algorithme d'Insta il soit déstabilisé. Tu vois, putain, d'où il est intéressé par Chavroux. Lui, avant, il likait que des culs, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de faire plein de trucs qu'on n'attend pas de moi sur Insta, tu vois. Genre, si Adèle Exarchopoulos, elle s'abonne à mon compte, je la bloque direct. Voilà, tu vois, je m'en bats les couilles. Je veux que le patron d'Instagram il soit déstabilisé, qu'il m'envoie un mail, il me fait dire, ah, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Résistance. On comprend pas. C'est vraiment le maître mot de cette chronique. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. Merci. Bravo. Bravo, Guillaume.